na yo elembi banganga Yeta pengo Ya lelo ami otikinga na mawa Na lelanga na naniho Tinelanga moke sango ya nunu Na yaya na yeho na yoki solo na yo nansele na zaliko tambola elongi nansi na kobomba kaka mai ya mizo meta pengo zoki ezala kinzela ya makolo yoko mona nga na shabao Mbongo ezali nzambe ya mokili Nazali komona bolingo ekosila Awa nazangi mbongo, nazangi bato Eta pengo Loin des yeux, loin du cœur, ami Est-ce que yoko bosanaka Eta pengo Dansons oubliant Car ainsi va la vie Les êtres les plus chers nous quittent vite Le bonheur se noie dans le chagrin Et la vie amène le deuil Nul lieu, nul recoin sur cette terre ne peut nous être un refuge, car il nous faut le quitter, partir, toujours partir, telle est la loi suprême. Puisque Mbongo ezali nzambe ya mokili, nazali komona bolingo ekosila, awa nazangi Mbongo, nazangi bato. Tapengo Loin des yeux, loin du cœur, ami Est-ce que yoko yangananga Tapengo Kisi otika koyo kaka bato wana Bazali kolango abangi na mosolo Beba bebisa mokili ya bato Polisa bolingo na biso ya bomwana yeye Kowela mokili okoki kosuka na ndako ya ndonge Kanisa kaka ngwalika mosoki likwei Okolela ye poso aisa lisi ekomi ya koluka Yeba bolingo ezali ekilibre ya nzoto Lelo natangi maboko etape etape Napekisi otika koyokaka bato wana Bazali kolangwa pangi na mosolo Mpe babebisa mokili ya bato Mwana yeye Kowela mokili okoki kosuka na ndako ya ndonge Kanisa kaka ngwalika mosoki likwei Okolela ye poso alisalisi ekomi ya koluka